Elle chantait coton, il chantait le blues. Blues, et donner du courage et beaucoup, beaucoup d'espoir. Blues, aujourd'hui comme hier, c'est toujours pareil. Blues, demain est un autre jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux chanter l'espoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux chanter le blues. Chanter.